12 mars. Je m'étais imposé ce devoir de consacrer quotidiennement un peu de temps à Gertrude. Le lendemain du jour où j'avais eu cette conversation avec Amélie, je me trouvais assez libre et, le beau temps y invitant, j'entraînais Gertrude à travers la forêt jusqu'à ce repli du Jura où, à travers le rideau des branches et par-delà l'immense pays dominé, le regard, quand le temps est clair, par-dessus une brume légère, découvre l'émerveillement des Alpes blanches. Le soleil déclinait déjà sur notre gauche quand nous parvîmes à l'endroit où nous avions coutume de nous asseoir. Elle me demanda, comme à chaque promenade, de lui décrire l'endroit où nous nous arrêtions. Mais lui dis-je, tu le connais déjà. C'est l'Orée, d'où l'on voit les Alpes. C'est là-bas que doit aller Jacques. Dites, est-ce vrai qu'il part demain? Il doit partir demain, il te l'a dit? Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai compris. Il doit rester longtemps absent. Un mois. Gertrude, je voulais te demander, pourquoi ne m'as-tu pas raconté qu'il venait te retrouver à l'église? Il est venu m'y retrouver deux fois. Oh, je ne veux rien vous cacher, mais je craignais de vous faire de la peine. Tu m'en ferais, en ne le disant pas. Sa main cherchait la mienne. Il était triste de partir. Dis-moi, Gertrude, t'a-t-il dit qu'il t'aimait? Il ne me l'a pas dit, mais je sens bien cela sans qu'on le dise. Il n'est même pas tant que vous. Et toi, Gertrude, tu souffres de le voir partir? Je pense qu'il vaut mieux qu'il parte. Je ne pourrai pas lui répondre. Mais dis, tu souffres, toi, de le voir partir? Vous savez bien que c'est vous que j'aime, pasteur. Oh, pourquoi retirez-vous votre main? Je ne vous parlerai pas ainsi si vous n'étiez pas marié. Mais on n'épouse pas une aveugle. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer? Dites, pasteur. Est-ce que vous trouvez que c'est mal? Le mal n'est jamais dans l'amour. Je ne sens rien que de bon dans mon cœur. Je ne voudrais pas faire souffrir Jacques. Je voudrais ne faire souffrir personne. Je voudrais ne donner que du bonheur. Jacques, pensez à demander ta main. Me laisserez-vous lui parler avant son départ? Je voudrais lui faire comprendre qu'il doit renoncer à m'aimer. Pasteur, vous comprenez, n'est-ce pas, que je ne peux épouser personne? Vous me laisserez lui parler, n'est-ce pas? Dès ce soir. Non, demain, au moment même de son départ. Le soleil se couchait dans une splendeur exaltée. L'air était tiède. Nous nous étions levés et tout en parlant, nous avions repris le sombre chemin du retour.